Bonjour, Valérie Levé au microphone. Vous écoutez Futur Simple, le rendez-vous hebdomadaire des curieux de science. Aujourd'hui, une émission à saveur environnementale, puisqu'en deuxième partie, nous nous interrogerons sur notre empreinte matérielle et nous verrons qu'on peut voir notre consommation matérielle comme un métabolisme avec ce qui entre et ce qui sort. On en parle à 18h30 avec Thierry Lefebvre, qui est professionnel de recherche à l'Université Laval. Et pour maintenant, nous prenons la direction du lac Saint-Augustin à la recherche d'une solution pour assainir les eaux. Et nous y allons avec Céline Vanicotte, professeure au département de génie chimique de l'Université Laval, qui est aussi directrice de BioEngine, le laboratoire de recherche sur l'ingénierie des procédés verts et des bioraffineries, et directrice du centre de recherche sur l'eau de l'Université Laval. Bonjour Céline. Bonjour. Et nous y allons aussi avec Martin Maranda, qui est conseiller municipal à la ville de Saint-Augustin, et il est aussi président du comité consultatif sur le lac Saint-Augustin. Bonjour Martin. Bonjour. Alors on parle donc de ce lac Saint-Augustin qui souffre de quelques petits problèmes de pollution et donc on cherche à le dépolluer. Martin, s'il vous plaît, remettez-nous en contexte. En fait, c'est quoi le problème avec le lac Saint-Augustin? Petite remise en contexte, on sait depuis de nombreuses années que le lac Saint-Augustin est en problématique. On a une problématique au niveau du phosphore, des contaminants dans le lac qui sont amenés par les différents tributaires. C'est connu, c'est su depuis de nombreuses années, mais on s'y attaque actuellement. Puis j'imagine que si vous y attaquez, c'est que ça a des conséquences quand même, des incidences sur la qualité de vie des... Comment on les appelle, les habitants de Saint-Augustin? Les Augustinois. Voilà, donc ça a une incidence sur la qualité de vie des Augustinois, Augustinoises. Effectivement, le lac Saint-Augustin, c'est un joyau, c'est un lac urbain. C'est que quand on pense aux inconvénients, on a un lac qu'on pourrait jouir puis qu'on ne peut pas exploiter à son plein potentiel en raison de la qualité de l'eau. Mm-hmm. Principalement l'été, c'est sûr que l'hiver, il y a de la glace sur le lac, puis on en profite d'ailleurs pour faire un anneau de glace, ainsi de suite, pour développer des activités. Mais l'été... On aimerait s'y baigner, on ne peut pas s'y baigner. Au niveau de l'esthétique, là, juste regarder l'eau, les fois l'été, là, c'est pas vraiment intéressant. Beaucoup de couleurs, de l'odeur nauséabonde parfois aussi. Ah oui, à ce point-là. Oui. On a eu des morts aussi de nombreux poissons des étés, là, quand c'est chaud. Non, des poissons. Les poissons en masse, là, ça meurt, là, beaucoup de poissons. Ouais, c'est pas très intéressant. C'est pas très ragoûtant. Pour les riverains, c'est un peu frustrant aussi d'avoir un lac quasiment à portée de main et puis c'est juste une image, là, on peut pas y aller. Effectivement, il y a quand même quelques activités aquatiques sur le lac, mais malheureusement, quelqu'un qui voudrait faire de la planche à pagaie peut toujours en faire, mais je suis obligé de vous dire que ça ne serait pas souhaitable qu'il tombe dans l'eau. C'est malheureux. C'est un lac qui est peu utilisé compte tenu du potentiel qu'il pourrait avoir. Et donc, d'où ce projet de recherche, donc en collaboration avec l'Université Laval et avec Céline Vanicotte, pour trouver un moyen de dépolluer ce lac. Donc, on fait comment, Céline, pour le dépolluer? Oui, bonne question. On travaille là-dessus, mais nous, notre équipe, on a développé une technologie qui contient une résine d'échangeuse d'ions, donc dans laquelle on a imprégné des nanoparticules de fer. Mm-hmm. Donc, le lac est pollué par les phosphates. Donc, si on fait un échange d'ions, c'est les phosphates qui vont s'absorber sur la résine, puis ils vont être échangés avec un autre ion qui va être relâché dans l'environnement, mais qui est non nocif. Puis, on y a imprégné des nanoparticules de fer parce que l'oxyde de fer, en fait, est positivement chargé. Puis, en chimie, les opposés s'attirent. Donc, les phosphates qui sont négativement chargés, ben, ils vont être absorbés sur les oxydes de fer, puis ça va créer vraiment des liaisons très fortes, là. Donc, ça va être bien absorbé, là. Donc, on veut dépolluer, en fait, le lac avec une technologie d'absorption qui est quand même très différente que traiter une eau usée, là, parce que les eaux usées sont à peu près 1000 fois plus chargées que l'eau de lac, là. Donc, c'est quand même un défi de ce point-là. Mais donc, là, les phosphates vont arriver, se fixer sur cette résine. Puis, est-ce que ça va la boucher, la saturer à un moment donné, si tous c'est les particules de fer qui sont plus qui vont attirer les phosphates. Si tous les fers ont attiré du phosphate, ça va être saturé. Puis, qu'est-ce qu'on fait après? C'est sûr. Ouais. Ben, ça dépend de la conception de la colonne, là, au final. Ouais. Mais, oui, la résine a une certaine capacité d'absorption. Par exemple, on peut absorber 10 mg de phosphate par gramme de résine. Donc, à un moment donné, ça va être saturé. Donc, à ce moment-là, en fait, on va aller le régénérer. Mm-hmm. Donc, il y a différentes stratégies de régénération qu'on peut appliquer, là. Mais pour le lac Saint-Augustin, en fait, ce qu'on envisage, c'est un simple rinçage avec la soude caustique. Mm-hmm. Donc, ça va décrocher les phosphates. Ça va décrocher les phosphates, puis on va les avoir dans une solution, puis on va pouvoir réutiliser, en fait, la résine après encore longtemps. Là, oui. On peut la remettre en céramique. Ça a une durée de vie d'une vingtaine d'années. Là. D'accord. Et les phosphates qu'on a récupérés, on peut s'en resservir? Oui, ben c'est une bonne question, parce que c'est ça qui... Tant qu'à faire. C'est un autre point très intéressant, en fait, c'est que les phosphates, justement, en solution, on peut s'en servir comme engrais. Donc, c'est une solution qui est très riche, très concentrée en phosphates. Soit on peut utiliser la solution comme telle dans l'horticulture, dans l'agriculture, ou on peut aussi précipiter le phosphate pour avoir des belles granules là, qu'on peut aller appliquer dans l'agriculture. Oui. Donc ça, ce procédé existe. Là, il y a des résines qui sont chargées avec du fer, qui peuvent capter le phosphate. Mais j'imagine qu'on ne met pas tout de suite ça dans le lac. On fait d'abord des expériences en laboratoire pour vérifier que ça marche avant de plonger ça dans le lac. C'est pour ça qu'on a l'hiver. Je ne savais pas que c'est pour ça que j'avais l'hiver. Non, mais l'été, en fait, on en a profité pour faire des campagnes d'échantillonnage sur le lac. Donc, on a profité du beau temps. On a eu l'occasion d'utiliser une chaloupe électrique. Oui. Donc, on a échantillonné sur 12 différents points, différents moments, l'été et l'automne. Puis, en profondeur et en surface, donc pour avoir vraiment un beau portrait de la qualité de l'eau du lac. Puis, par la suite, on a comme sélectionné un site où on pourrait donc installer notre pilote. Donc, ça va être autour du camping, normalement, parce que, tu sais, bah, pour deux raisons, parce que c'est comme, c'est assez pollué à cet endroit-là. Puis, en même temps aussi, parce qu'on a de la place pour mettre notre pilote, on a de l'Internet pour prendre des données à distance. Donc, à cet endroit-là qu'on a sélectionné, on a, à la fin de l'automne, on a pris plusieurs bidons d'échantillons d'eau pour avoir assez d'eau justement pour faire des expériences en laboratoire pendant l'hiver. Parce que là, l'eau, c'est ça, on fait du patin là, sur le lac, donc on peut rien faire là-bas présentement. Mais ce qu'on fait présentement en laboratoire, c'est en fait des tests préliminaires en micro-colonnes. Donc, on a le même setup en laboratoire présentement, mais on teste justement, on est en train d'optimiser les conditions opérationnelles. Donc, on teste la capacité justement d'absorption de la colonne avec les eaux réelles du lac. On teste le temps qu'on a justement avant d'avoir besoin de régénérer la colonne, des choses comme ça pour vraiment optimiser la conception à pleine échelle après. D'accord. Donc là, il y a déjà des travaux qui ont eu lieu sur le lac pour prélever l'eau, faire prendre des échantillons. Est-ce que tout ça, et là je me tourne vers Martin, ça se fait en partenariat avec la municipalité? Effectivement. Madame Vénécote et son équipe vont s'occuper du fond du lac, puis on va s'occuper, nous autres aussi, on veut travailler sur les tributaires alentour du lac, ce qui amène le phosphore, sur l'aménagement des rives aussi pour les citoyens. On va travailler là-dessus dans les prochains mois, les prochaines années aussi, là, pour éliminer l'apport en phosphore. OK, ça c'est pour éliminer, pour réduire à la source, parce que c'est bien de l'enlever, mais il faut essayer d'éliminer ce qui l'amène. C'est pas facile, si il y avait une formule miracle, on l'aurait, puis on l'aurait utilisé, mais on est déterminés, nous, au conseil de Saint-Augustin, de travailler là-dessus. On a plus d'un million par année prévu pour, sur le PQI pour les 5 prochaines années. Pour la réduction à la source. Exclusivement sur le lac. D'accord. Mais je me demandais si la municipalité mettait à disposition de l'équipe de Céline des moyens, je ne sais pas, une chaloupe, ou s'il y avait des... Si les citoyens étaient appelés à s'impliquer dans le projet, par exemple, pour prélever ou je ne sais pas. Effectivement, ben, les citoyens peuvent s'impliquer, mais là, avec Mme Vénécôte, il y a un partenariat avec le CBLSA, le qui Conseil est... de bassin ouais. du lac Saint-Augustin. Ce sont eux qui se sont impliqués pour ouais. La prise d'eau. Oui, c'est une belle équipe de bénévoles, là, en fait. Ouais. Donc, on a été vraiment bien accueillis, là, oui. Donc, ils ont fait quoi, finalement, les bénévoles? De quelle façon ils ont mis la main à la pâte ou la main à l'eau? Ben, en fait, justement, ben, y a quelqu'un qui nous a conduit en chaloupe électrique, nous a amenés sur le lac, puis tout ça. Ils prennent eux autres aussi des échantillons, donc, quand nous, on ne peut pas être là. Puis quand on va installer le pilote, ben, justement, ils vont quand même être sur place, eux autres. Okay. Là. Nous, on va pouvoir recueillir des données à distance, mais s'il y a donc une urgence, là, ils vont être là aussi, là. D'accord. Madame Vénécôte va pouvoir compter sur la ville. Est-ce qu'elle arrivera avec des recommandations, peu importe, elle pourra compter sur la ville pour avoir le soutien nécessaire, ça c'est certain. On veut qu'il soit propre ce lac, de ce que je comprends. On veut qu'il soit propre. Donc là, cet été, va être installé le dispositif pilote là, dans un endroit, mais ça ne suffira pas à dépolluer tout le lac. J'imagine qu'à long terme, on voudra plusieurs de ces dispositifs ou... Ben, en fait, cet été, ce qu'on va faire, ben, dès la fonte des neiges, en fait, on va installer une grande colonne. Donc ça va être un premier grand test. Comment? On a un volume de 30 litres, là, ouais. la colonne, donc, qui va être remplie de résine. On a une station de mesure qui va être à côté, donc on va pouvoir mesurer le phosphate qui entre dans la colonne, le phosphate qui sort, mais ça pour un premier test au lac, on va vraiment le faire, en tout cas ce qu'on appelle ex situ, on va pomper l'eau du lac, puis l'eau traitée, là on est encore en train de voir avec le ministère de l'Environnement si on peut le retourner au lac ou s'il faut le retourner dans un autre bassin, là, parce qu'on est en phase expérimentale. Donc ça va être une première étape. Basée sur les résultats, on va pouvoir optimiser la colonne. Mais moi, en fait, dans l'avenir, ce que j'aimerais, c'est mon souhait, puis je pense que le souhait de la ville aussi, c'est d'avoir des îlots flottants, en fait, sur le lac. Donc ça, c'est comme une structure flottante. Donc ça peut être, en tout cas, ça peut être très simple, là. Ça peut être en bambou, en bois. Donc le but, c'est que ça flotte. On pourrait insérer comme un substrat, par exemple, les fibres de coco pour la croissance des plantes. Donc il y a différentes plantes qui peuvent comme absorber les phosphates. Donc on peut faire pousser là-dessus. Par la suite, tu sais, un peu comme des sachets de thé, là, on pourrait attacher, en fait, à la structure flottante. On pourrait attacher des sacs donc avec la résine. Donc, ça peut être des toiles en géotextile. Donc, l'eau passe à travers. Ça va être en fait traité. Donc, on a comme deux mécanismes de traitement. On a la phytorémédiation avec les plantes. Puis, en même temps, on a notre résine absorbant. C'est très beau. Là, c'est des îlots flottants. Ça va donner une touche naturelle. Puis, en même temps, on traite le lac. Ça change un petit peu le paysage. Peut-être que des oiseaux viendront se poser sur ces îlots flottants. Ça peut augmenter la biodiversité. On les déplace, les îlots flottants, ou ils sont fixes? Ben, je pense qu'en premier lieu, ils vont être comme fixes là, pour, en tout cas, pour éviter des accidents avec des pedalboards. Mais c'est ça. Dans l'avenir, en tout cas, tout est possible. Ouais. Là, on travaille encore sur la conception de tout ça. Là, Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des expériences sur le lac Saint-Augustin avec des îlots flottants aussi? Moi, ça ne me dit rien. Il y a eu une diagnose, mais ça ne me dit rien là, d'aussi loin que je me souvienne, moi. Je suis un résident du lac depuis plus de 20 ans, puis je n'ai jamais vu d'îlots flottants sur le lac. Là. Ça me dirait. Ouais, je pense pas non plus. Il y a eu une étude dans le passé là, mais ça c'était pour traiter justement l'eau par précipitation chimique, donc plus des traitements qu'on utilise pour traiter les eaux usées. Mais c'est sûr que ça coûte très cher, puis pour aller chercher les faibles concentrations de phosphate, c'est vraiment pas la technologie idéale. Là. Donc c'était ça aussi la conclusion de cette étude là. Dans l'époque là. D'accord, donc c'était pas avec des îlots flottants, mais il me semblait qu'il y avait eu une autre une autre tentative de remédier à la pollution du lac, mais je ne savais pas ce que c'était devenu. C'était trop cher pour être applicable. Mais c'est intéressant de soulever ce point-là. Est-ce que là, on a quantifié monétairement le coût que ça vaudrait? On n'est pas tant rendu là, mais je dois dire que tu sais, pourquoi on opte pour une technologie d'adsorption, c'est justement parce que pour des faibles concentrations, comme on voit au lac, donc on peut donner peut-être une idée, on parle ici des concentrations tu sais, entre 100 et 300 microgrammes par litre là qu'on a observé. Donc la limite critique, en fait, c'est 20 microgrammes par litre que le ministère de l'Environnement a défini. Des activités? Pour permettre des activités pour définir, mettons, un lac qui est non eutrophié, là. Un lac sain. Ouais. Donc, en fait, si on veut, tu sais, travailler dans ces faibles concentrations-là, des technologies conventionnelles qu'on utilise pour des eaux usées, ils sont comme pas applicables. On doit vraiment ajouter, par exemple, beaucoup de produits chimiques pour enlever les phosphates, donc ça coûte vraiment très cher. Ouais. Tandis qu'avec une technologie d'adsorption, ben, c'est passif, on n'a pas besoin de consommables, sauf pour la régénération. Mm-hmm. Mais pour un lac, on voit que, tu sais, avec les résultats qu'on a maintenant en laboratoire, on voit que, tu sais, l'efficacité d'adsorption est de 100%, donc ça fonctionne super bien. Et vu que les concentrations sont très faibles, on va pouvoir traiter très longtemps avec la même résine. Oui. Mm-hmm. Donc, on doit peut-être, selon moi, on va devoir régénérer une fois avant l'hiver. Et d'après moi, ça peut suffire. Donc, les coûts opérationnels vont être très faibles. Oui, d'accord. C'est une résine qui existe déjà, qui est sur le commerce, qui est facile de se la fournir. Oui, ben la résine elle-même, elle est commercialisée, donc oui, c'est facile de l'obtenir. C'est ça, il y a des variantes sur le marché. Mon équipe a travaillé sur d'autres variantes aussi. Mais oui, c'est facile. Puis on peut d'ailleurs, justement, là, on travaille sur le lac Saint-Augustin comme un exemple. Mais il y a d'autres lacs au Québec, par exemple le lac Saint-Charles, qui est dans une, selon la dernière diagnose, c'est aussi assez alarmante. Là. Ouais. Puis là aussi, ça pourrait être applicable parce que c'est les mêmes problématiques. Mm-hmm. Et est-ce que c'est une technique qui a déjà été utilisé sur d'autres lacs, dans d'autres provinces, dans d'autres pays, dans d'autres contextes? C'est une première. C'est une première? Oui. Bon, alors, on a peu dit. C'est une première, mais on a bien, en tout cas, on est bien confiant que ça va fonctionner, là. Oui, d'accord. Donc, c'est bien de retirer les phosphates, mais comme on le disait, Martin, il faut quand même regarder ce qui se passe autour. Donc là, vous disiez, on va s'assurer quand même, on va travailler à ce qu'il n'y ait plus de nouveaux phosphates qui arrivent au lac. Effectivement, on va travailler là-dessus. Et dernièrement, donc, l'été passé, là, on a deux marais épurateurs. Sur le bord du lac, on fait une remise à jour de ces marais épurateurs-là. Ils avaient été négligés pendant quelques années. Et l'année dernière, et on termine l'année prochaine vraisemblablement, on a eu des petites problématiques là, avec le sous-traitant, mais les deux marais épurateurs devraient être en fonction. C'est que ça va aider beaucoup aussi pour les eaux de ruissellement que ça mène. Ça passe par les marais épurateurs, c'est que ça améliore la qualité de l'eau qui entre dans le lac. Comment les citoyens sont informés de ce projet? J'imagine qu'ils sont quand même tenus au courant, qu'il y a quelque chose qui se passe pour remédier, pour redonner santé à leur lac? Effectivement, à Saint-Augustin, il y a un mensuel d'information municipale à tous les mois, c'est envoyé. Parfois, il y a des articles sur le lac. On veut créer aussi une tuile sur le site web, une tuile qui informerait spécifiquement les gens sur comment l'état d'avancement... De la recherche justement sur le lac pour tenir les gens informés. On a intégré aussi une campagne de sensibilisation en fait dans notre projet. Donc à côté du pilote, on va avoir des affiches donc avec des explications. Puis nous aussi, notre équipe de recherche, on va communiquer avec les citoyens, on va donner des présentations justement pour vraiment les impliquer, puis pour justement les sensibiliser que c'est important de pas continuer à polluer les lacs parce ça. Que nous on le traite, on fait des efforts, mais si la pollution continue d'entrer, c'est sûr que notre traitement va être médiocre. On met en place un dispositif pour dépolluer le lac, mais ce n'est pas une carte blanche pour continuer de polluer. Oui, justement, exact. Exactement, ouais. Mais là, bon, on se projette un petit peu dans le futur. Le projet pilote cet été va marcher. On déploie le système à une plus grande échelle sur le lac. Après, il faut quand même assurer la survie, le maintien de ce dispositif-là. Et ça, ça doit se prévoir financièrement, peut-être en ressources financières, en ressources humaines aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui va être prévu, j'imagine, par la ville? Effectivement, comme je l'ai mentionné, là, déjà d'emblée, on a déjà $1 million par année qui est prévu sur le PQI. On va attendre les recommandations de Mme Vénécote aussi, ce qu'on va devoir faire, mais c'est pas une option là, de laisser dépérir le lac. Là. Mm-hmm. On comprend que laisser dépérir un lac, là, c'est pas une option pour le conseil municipal. C'est pas envisagé. C'est que, naturellement, il y a des mécanismes pour aller chercher de l'argent si on a besoin de l'argent, des subventions X, Y, Z, mais c'est pas une option. Là. Laisser dépérir le lac, faut s'y attaquer. On n'a pas le choix. Parce que là, donc Céline et son équipe vont mettre peut-être au point, on l'espère, un dispositif pour que ça fonctionne, mais à un moment donné, ils vont se retirer du projet et ils vont vous donner à vous, à la municipalité, un protocole, des façons de faire quelque chose, un transfert finalement de la technologie. Oui, c'est ça. Donc, mais ça, on est habitué à ça, là, c'est le transfert de connaissances. On reste quand même proche, là. Ouais. Mais en effet, mais... Nous, notre tâche, en fait, c'est de le rendre le plus facile possible, justement, pour l'utilisateur. Donc, il va évidemment y avoir une guide d'instruction, puis tout ça, là, puis des explications auprès de la ville, auprès du conseil. Mais avec les îlots flottantes, en fait, on prévoit que l'entretien, ça va quand même être assez minime. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que ça va surtout avoir lieu avant l'hiver. Donc, justement, les sacs de résine, on pourrait les enlever l'hiver pour les régénérer. Je pense que ça va suffire. En ce qui concerne les plantes, éventuellement, on pourrait les récolter. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être les envoyer à une usine de biométhanisation. Oui, il y en a une par hasard au Québec. Québec. Ça tombe bien, oui. Mais je pense que c'est une bonne option. Mais je pense que l'entretien, c'est quand même minime. Là. Ouais. C'est ça aussi le but de la technologie. Là, en fait. Oui, c'est minime, mais il faut toujours... On ne veut pas que ça tombe ballot, pour ne pas faire de jeu de mots. On veut que ça perdure. Donc, il faut que la ville mobilise une personne à un moment donné qui va récupérer les colonnes. Il faut le prévoir, faut le budgéter quelque part donc, pour que ça continue de rouler. Il y a une particularité aussi que 30% du lac est du côté de la ville de Québec également. Il faut le mentionner. Exactement. Ça devient un partenaire qu'on pourra solliciter également. Bon. Alors, on va souhaiter que ce projet redonne santé au lac Saint-Augustin et que les Augustinoises puissent bientôt s'y baigner. C'est certain. On travaille là-dessus. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous les deux d'être venus en studio pour nous présenter ce projet remédiation. Du lac Saint-Augustin. Donc, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Céline Vanicotte, qui est professeure au département de génie chimique de l'Université Laval et directrice du centre, j'ai oublié le nom. Du centre de recherche sur l'eau à l'Université Laval. Et également avec nous au micro, Martin Maranda, conseiller municipal à la ville de Saint-Augustin et président du comité consultatif sur ce même lac.